Instinct, par Henri Barbusse. C'était un soir comme un autre, triste et sombre, qui déteignait surtout et vous remplissait de noir. Je montais au dortoir avec mes camarades de classe lorsqu'on m'a annoncé que l'oncle Félix allait mourir et qu'il me réclamait. Une douleur aiguë me serra le cœur et je faillis crier. Mes traits se crispèrent et mes condisciples s'écartèrent soudain de moi. Pour l'abandonné que j'étais, l'oncle Félix représentait toute la douceur du passé, et sa face rougeaude était ce qui m'avait le plus souri ici-bas. Avec sa longue barbe grise et ses longs cheveux blancs emmanchés dans son petit corps remuant, il avait émerveillé mon entrée dans la vie. Il m'avait embelli les choses comme un vieux magicien, et il avait coutume de larmoyer lorsqu'il me disait oui, tellement cela lui faisait plaisir. Et voilà qu'il était mourant. Je revêtis ma tunique de sortie avec une hâte frissonnante et maladroite et m'engouffrai, soupirant, sanglotant et reniflant, dans l'omnibus du collège. Je piétinai sur le quai de la gare. Je trouvai que le train était affreusement long à venir, puis, lorsqu'il arriva, il me fit peur. Je débarquai à Rouval dans la nuit, je galopai vers la maison sur un chemin que je ne voyais pas. La porte était ouverte, dorée. Sur le seuil où j'échouais, étouffé d'angoisse, des femmes étaient groupées. Je leur tendis les bras sans rien dire. Elles m'entraînèrent dans la maison. L'une d'elles me souffla. « Il vient encore. » L'escalier, le palier, le seuil de la chambre. À la lumière nue d'une bougie qui tremblait comme une étoile, le vieillard, blafard, rigide, était tout enseveli dans la pâleur du lit. Je m'approchai. Il avait les yeux à demi fermés et sa bouche remuait. Il ne pensait plus guère. Je touchai sa main légère et blanchie. Je m'effondrai dans un fauteuil, en proie à une crise de larmes, puis je restai là. La chambre était peuplée de femmes qui remuaient. L'une d'elles vint à moi. Marthe, ma cousine Marthe. Je la reconnus, bien que je ne l'eusse vue que deux ou trois fois dans ma vie, et malgré qu'elle fût, depuis la dernière fois, tout à fait changée. Toute grande, l'air d'une dame et très belle. Mes pauvres yeux, qui s'étaient levés vers elle, lui sourirent faiblement. La jeune fille était aussi bouleversée que moi, car l'oncle Félix l'avait aimée beaucoup aussi. Ses vastes yeux s'ouvraient démesurément et s'illuminaient de fièvre. Elle tordait ses bras blancs, nus jusqu'au coude. Ses lèvres tremblaient sur ses menues dents brillantes et sa gorge sur laquelle elle avait, à cause de la chaleur étouffante, entr'ouvert son corsage montant de pensionnaire, palpitait. Ses cheveux, châtains comme l'or de la nuit, formaient des mèches mouillées et désordonnées sur son front et ses joues pures. Elle s'éloigna, le cou plié, d'un doux mouvement triste. Je retombai dans ma lourde rêverie. Madame Bettina, la vieille gouvernante, dont la maigre tête était enfoncée de travers dans son torse, mal posée lui-même sur ses hanches, me prit par la main, me conduisit dans la pièce d'à côté et m'obligea à m'étendre sur un canapé. Et là, je m'endormis en pensant, ou en rêvant, au vieillard aimant qui s'éteignait maintenant tout près de moi, après m'avoir tant aidé lorsqu'il était fort et bon. Avec sa tête pittoresque à laquelle j'étais habitué, ses joues couperosées qui lui barbouillaient la figure, et la transparence de ses yeux naïfs, il m'avait vraiment, lorsque j'étais tout petit, empêché de comprendre que j'étais orphelin. Combien de fois j'avais admiré la source magnifique et limpide de ses yeux-là. Son jardin figurait le paradis. Ce jardin était si petit que l'été, le reflet des fenêtres le moirait. Il y avait là un assortiment délicieux de pots de fleurs rangés. Il y avait, tout poussiéreux au soleil chaud, mirliton, le chien de chasse roux, si efflanqué qu'on pouvait croire qu'il courait vite. Mais il n'avait jamais attrapé de lièvre. Il n'avait jamais attrapé que des puces. « Jean, Jean !» Je suis réveillé en sursaut. Au-dessus de moi est une femme penchée, Marthe. Sa figure touche presque la mienne. Elle a les yeux affolés. Ses cheveux sont défaits et épars. Sa poitrine se soulève à coups précipités. « Vite, viens, il est très mal. » Je me dresse, honteux d'avoir dormi pendant qu'elle veillait. Je lui prends la main. Défaillante, elle s'accroche à moi. Je la serre machinalement dans mes bras. Je sens sa joue brûlante, son parfum, sa tiédeur et sa fraîcheur. Et nous entrons dans la chambre, unis par le même frissonnement. Le moribond s'agite, il grimace, mais il se calme. Tout doucement, en l'épiant, nous nous asseyons. Je baisse les yeux. Je les lève pour regarder Marthe. À ce moment, par hasard, elle me regarde aussi avec son regard si extraordinairement simple, si extraordinaire. L'éclairement lugubre fait resplendir ses yeux. dans l'échancrure de sa robe, son cou rayonne jusqu'à la naissance de ses seins qu'on devine. Elle se dérange, s'approche du lit pour assujettir un oreiller, un genou sur une chaise. Ce mouvement a découvert un instant à mes yeux sa jambe, épanouie et gonflée comme une belle amphore, et dont la chair semble briller, telle une lumière, sous le fin réseau de bois de soie noire. Le bord de sa robe retombe, mais je ne puis détacher mes yeux de toute cette obscurité profonde. Ah, j'ai palpité des pieds à la tête, et même, en poignant les bras de mon fauteuil, je me suis tendu en avant avec une exclamation étouffée. Elle se rassit. Et moi, peu à peu, je la regardais de plus en plus, et alors, dans ce lieu sacré, dans ces circonstances tragiques, je me sentis remué d'une obscure et immense joie. Oui, pendant que cette chambre s'emplissait de larmes et que s'y installait un bruit continu de sanglots, je ne pouvais pas empêcher mon cœur de battre à grands coups, par-dessus tout cela, vers la jeune fille, qui pleurait comme les autres, mais qui régnait là, malgré moi, malgré elle, malgré tout. Je ne pouvais m'empêcher d'être soulevé d'une sorte d'espérance à contempler cette femme entr'ouverte devant moi, dans le désordre de la douleur, à m'éblouir d'elle, à chercher dans la palpitation éperdue de son cœur la forme splendide de son sein. Ah, mes amis, à cet instant où ma jeunesse me montait à la tête, je ne pouvais pas regretter le malheur qui m'avait amené là. Je ne le pouvais pas. Je crispais ma main sur ma figure pour me dérober tout ce qui n'était pas le pur chagrin. Mais à travers mes doigts, mon regard s'échappait, pris par la surhumaine curiosité d'elle. Ce pauvre être adoré, qui achevait de sombrer dans le silence et la fixité, devenait un vague fantôme. Une idée, affreuse, s'imposait à moi de force, à travers tout le reste. Lorsqu'il mourrait, elle s'appuierait toute sur moi, et je m'approcherais peut-être assez de sa figure chavirée pour recueillir sous ma bouche le goût inouï d'une de ses larmes. Oui, mes amis, voilà. Je ne suis pas un maniaque ni un vicieux. Je suis un homme normal, peut-être plus sincère qu'un autre. Et voilà à quoi j'ai pensé la nuit où mourut l'oncle Félix, enchanteur de mon enfance. Ah, au fond surtout, avec nos instincts crus, nous ne valons pas grand-chose, sans être, à proprement parler, des criminels. Et même cet instinct surnaturel, dénommé amour, qui bouleverse toute la gamme de nos sentiments, déchire, efface et balaye avec une telle violence nos attachements les plus tendres et nos plus beaux devoirs. Qui dira si c'est quelque chose d'ignoble ou quelque chose de magnifique? Personne sur la terre, ni ailleurs. Heureusement qu'on agit, la plupart du temps, dans l'inconscience, et qu'on ne réfléchit à toutes ces choses qu'après beaucoup, beaucoup d'aventures et d'événements, et alors qu'on est devenu trop vieux pour risquer de devenir fou. C'était Instinct d'Henri Barbusse.